Huitième chapitre, tutelle. Quelques heures après l'étrange bataille que nous avons rapportée, monsieur de la Tremblay et son écuyer furent enfermés à la Bastille. Il est permis de croire que le vieux Breton fit des réflexions assez tristes lorsqu'il franchit le seuil de la néfaste forteresse. Quant à Jude, on peut affirmer qu'il ne réfléchit pas du tout. Quelles que fussent ses angoisses secrètes, Nicolas Tremel était trop fier et trop fort pour les laisser paraître sur son visage. Il monta en silence les noirs escaliers de la Bastille et entra dans son cachot comme il entrait jadis au grand salon du château de la Tremblay, le front haut et la tête calme. Mais le diable n'y perdit rien. Une fois seul, le vieux gentilhomme donna cours à son désespoir. Il s'accusa d'avoir abandonné Georges et maudit presque son patriotisme inutile. Son entreprise lui apparaissait maintenant sous son véritable jour. La vue de la cour avait changé ses idées. Il comprenait, mais trop tard, que sa tentative, qui eût été téméraire au temps de la chevalerie, devenait au XVIIIe siècle un véritable acte de démence. C'était pour la Bretagne, se répétait-il en manière de consolation. Mais cela ne le consolait point. Sa douleur et ses regrets eussent été bien plus amers encore s'il eût pu voir ce qui se passait dans son château de la Tremblay. Hervé de Vaunois, en effet, ne faisait point les choses à demi. Quelques mots échappés à Nicolas Tremel dans la dernière conversation qu'ils avaient eue ensemble avaient mis Hervé sur la voie, et il devinait à peu près le but du voyage de son vieux parent. Ce lui en était assez pour conjecturer le reste. Il laissa passer une semaine. Au bout de ce terme, il regarda le retour de Nicolas Tremel comme étant pour le moins fort problématique et agit en conséquence. La majeure partie des vieux serviteurs du château fut congédiée. Vaunois ne garda que ceux qu'il avait su se concilier dès longtemps, et Alain, le maître d'hôtel, qui était un peu son confident. Vaunois avait totalement changé de caractère. Depuis 2 ans, il rêvait nuit et jour la possession du riche domaine de Tremel, et voilà que tout à coup ce rêve s'était accompli. Pauvre hier, et ne possédant que son manteau râpé de gentillâtre, il s'éveillait aujourd'hui plus opulent que pas un membre de la haute noblesse bretonne. Il y avait de quoi mettre une cervelle d'ambitieux à l'envers, et celle de Vaunois fit la culbute. Il est vrai que, à bien prendre, cette opulence n'avait rien de réel. Entre les mains d'Hervé, le château, avec ses dépendances, n'était qu'un dépôt, et son rôle, celui d'un fidéicommissaire. Mais pour qui sait conduire sa barque, ce rôle de fidéicommissaire peut mener loin. Tout homme est mortel. Le pupille est soumis à cette foule de hasards déplorables qui menace notre pauvre humanité. On meurt de la fièvre, du croup. On meurt pour ne point manger assez ou pour manger trop. On est croqué par le loup, même ailleurs que dans les contes de Perrault. On se noie, que sais-je ? Plus tard, il y a des duels, les chutes de cheval et l'amour qui perdit 3. À cause de tout cela, le pupille d'un fidéicommissaire bien appris atteint rarement sa majorité lorsque l'héritage mérite considération. Or, monsieur de Vaunois était un homme fort capable. Seulement, comme il était impatient, outre mesure, de jouir sans contrôle, il ne fit point grand fond sur ces éventualités que nous venons d'énumérer. Le petit Georges, à la rigueur, pouvait sortir victorieux de toutes ces épreuves, et monsieur de Vaunois entendait ne point courir les chances de ce jeu périlleux. Le Breton est bon et généreux d'ordinaire, mais quand il se met à être mauvais, les traîtres du boulevard sont des anges auprès de lui. Rien ne lui coûte, et les moyens qu'il emploie alors sont d'une brutalité diabolique. Le lecteur en pourra juger sous peu. Vaunois continua de traiter Georges comme le fils chéri et respecté de son seigneur. Il voulait se faire un appui de l'affection de l'enfant pour le cas redoutable où monsieur de la Tremblay fut revenu inopinément quelques jours. 1 mois, 2 mois se passèrent. Hervé avait fait maison nette de tout ce qui portait amour au vieux sang de Trémel. Néanmoins, il y avait un fidèle serviteur qu'il n'avait point pu chasser. C'était Job, le chien favori de Nicolas Trémel. En vain, les valets armés de fouets avaient poursuivi Job jusqu'à une grande distance dans la forêt. Il revenait toujours. Au moment où Hervé le croyait bien loin, il le retrouvait le soir, assis auprès du berceau de Georges endormi. Le chien veillait, et nous ne pouvons point affirmer que, sans la présence de ce vaillant gardien, l'héritier de Trémel eût passé ses nuits sans péril, car monsieur de Vaunois jetait souvent d'étranges regards sur la couche où reposait son jeune cousin. Job n'était pas seul à veiller sur le petit Georges. Un autre protecteur couvrait l'enfant de sa mystérieuse vigilance. Avec l'or de Nicolas Trémel, Jean Blanc avait soulagé les souffrances de son père. Il ne travaillait plus. Le jour, il dormait ou rôdait autour du château. La nuit, il montait dans l'un des arbres du parc, dont les longues branches venaient frôler les fenêtres de la chambre où dormait Georges. Et là, il faisait sentinelle jusqu'au matin. Hervé l'avait bien menacé parfois du fusil de son veneur, mais Jean Blanc savait courir sur la verte couronne des arbres comme un matelot dans les agrès de son navire. Il ne craignait point les balles, et d'ailleurs il avait dit « je tâcherai ».